La famille de Ju Jing, chinois liée à la guerre anti-japonaise et sa suite. La famille de Kim Sun-ok, coréenne en Chine liée à la lutte révolutionnaire anti-japonaise et sa suite. Et la famille de Son Won-tae, coréen d'outre-mer de connaissance du président Il-sung, sont arrivés le 12 par train et par vol à Pyongyang à l'occasion de la Journée du Soleil.